La tête haute, les yeux en bas. Quelle est la cause, je ne sais pas. Le cœur en berne de trop de choses, elle s'enfermait. Ne plus savoir prendre la rose, elle s'enfuyait. Hey, le ciel est bleu juste devant. Hey, les oiseaux chantent, écoute-les. Le soleil brille dans ma vallée. L'herbe est verte, vient y reposer. Elle avait dans son lilas un petit je ne sais quoi. Une pensée à petits pas. Une rose, un bouquet de choses, un petit secret. Les yeux en pose, une métamorphose, elle s'oubliait. Hey, le ciel est bleu juste devant. Hey, les oiseaux chantent, écoute-les. Le soleil brille dans ma vallée. L'herbe est verte, vient y reposer. Elle avait dans sa villa un petit et je sais quoi. De moi à toi, un bel émoi. Les bras ouverts, remplis de roses, elle en rêvait. Les yeux brillants de jolies choses, elle souriait. Et dans sa tête elle entendait un petit air qui disait hey, le ciel est bleu juste devant. Hey, les oiseaux chantent, écoute-les. Le soleil brille dans ma vallée. L'herbe est verte, vient y reposer. Padidam, padidam, la hey. Padidam, padidam, la ho. Padidam, padidam, la no. Padidam, padidam, la no.